Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021, nous sommes en direct, bien sûr, c'est Chris. Il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, vous êtes dans Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne, les Remiremont, Michael Riquelin qui est là pour nous parler de Stone Balance, de Slam et de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Michael. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour Christopher. Comment ça va? Ça va un peu mieux que la semaine dernière, je suis présent. Oui, parce que pour nos auditrices et auditeurs qui ne seraient pas au courant, nous aurions dû normalement faire cette émission mercredi dernier, mais vous étiez tombé malade, donc du coup on a repoussé. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais l'important c'est que l'émission soit faite. Exact. Voilà. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, un artiste qui compose, auteur, interprète, écrivain, et là, depuis un peu plus de 5 ans, dans tout ce qui est art éphémère, c'est-à-dire le Stone Balance. Voilà. De toute façon, nous allons parler de tout ça pendant toute cette, un petit peu moins d'une heure d'émission, vu qu'après vous avez un bus à prendre. Exactement. Donc voilà, on va s'arrêter vers 14h45 à peu près. C'est ça. Voilà. Donc, comme vous venez de le dire, vous pratiquez ce qu'on appelle le Stone Balance. Nous expliquerons du coup, comme je l'ai dit, ce que c'est tout au long de cette émission, mais aussi le slam. Donc, quel a été votre parcours personnel pour en être là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait des études artistiques, musicales ou pas du tout? Non, pas du tout. Par passion, depuis l'âge de 8 ans, dans la musique. Ça a commencé par la guitare sèche que je n'ai jamais su en jouer. Donc du coup, je me suis rabattu sur tout ce qui est synthétiseur. Et de là, j'ai trouvé ma vocation, à commencer déjà à composer, écrire mes propres textes. Et puis petit à petit, jouer dans la chambre des parents. Je me souviens, je mettais le synthétiseur du côté de mon père dans le lit conjugal pour jouer. Je mettais des affiches, créais déjà des cartons, venais au spectacle. Et puis c'était le monde imaginaire quand on est enfant. Et, bien sûr. Et résultat, ça s'est créé plus tard dans l'avenir. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et donc, pour expliquer un petit peu à nos auditrices et auditeurs pourquoi cette émission aujourd'hui, parce que lors de nos 40 ans, le 2 octobre dernier, vous étiez présent en tant que spectateur. Exactement. Voilà. Ouais. Et vous êtes venu me voir avec votre page Facebook, Stone Balance Haute Vosges. C'est ça. En me demandant si on pouvait faire quelque chose, une émission. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Et donc, concernant le déroulé de cette émission, elle va se dérouler en deux grosses parties. Dans la première, nous allons parler du coup de Stone Balance. Puis dans la seconde, nous parlerons de votre activité en matière de slam, de rap, etc. Donc, est-ce que ça vous va comme programme? Impeccable. Parfait. Donc, tout d'abord, si vous deviez donner une définition du Stone Balance, qu'est-ce que vous diriez? Art éphémère. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Et comment avez-vous connu le Stone Balance? Alors, tout simplement, c'est avec les amis. On va souvent l'été à la cascade du Bouchois, Gerbamont, au-dessus de Vanier. Bien sûr. Un superbe endroit agréable où c'est qu'on peut retrouver justement la fraîcheur lors de canicules éventuelles. Et donc, du coup, c'était étonnant. On a vu des touristes hollandais qui créaient ça et on leur a demandé, ils nous ont expliqué en anglais. Malgré que je comprends pas trop l'anglais, enfin bref, on a toujours du mal à discuter des fois avec les touristes. Et au résultat, c'est d'avoir essayé d'essayer de refaire ce qui faisait que c'est venu, et puis d'année en année, on évolue tout simplement, et on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Et donc justement, la définition que vous avez donnée du Stone Balance, donc art éphémère, mais qu'est-ce que c'est exactement, en quoi consiste le Stone Balance? C'est l'art d'empiler des pierres le plus haut possible, peut-être en mettant un côté imaginatif, en essayant de créer une reproduction d'oiseaux, de canards, ou quelque chose comme ça, et des choses qui est pas évidente à faire pour un amateur, mais pour ceux qui commencent à avoir de l'expérience, peuvent le faire. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer le Stone Balance? Est-ce que c'est simplement la beauté des pierres empilées ou est-ce que c'est autre chose? C'est plutôt le côté méditation. D'accord. Parce que ça permet de s'apaiser, de s'ouvrir. Et comme je vous dis, à la cascade du Bouchot, c'est un lieu. Pour moi, c'est mon petit coin de paradis où c'est qu'on ressent une énergie et un partage d'énergie où c'est qu'on rejette le négatif et on reprend du positif. D'accord. Donc et après, je vous garantis qu'à bout de 3 heures de Stone Balance, l'énergie, vous l'avez vraiment vidée de votre corps. Et vous sentez des fois avec des pertes de vertige, mais franchement, vous ressentez quelque chose de positif en vous, comme si vous étiez libéré d'un poids. D'accord, tout simplement. C'est l'équilibre, c'est le fait que vous soyez concentré pendant plusieurs heures qui fait cette... Oui, parce qu'on sent... On sent sur les 3 points d'appui, parce qu'il faut au minimum 3 points d'appui pour faire tenir et faire évoluer justement en sculpture, en statue. Vous sentez la gravité au fur et à mesure. Et des fois, c'est souvent le petit caillou qui sera en haut, que si vous l'enlevez, tout redescend. D'accord. Donc, c'est même en tant que, enfin, avec les pierres, c'est un travail d'équipe en fonction des différentes pierres, quoi. Bah, déjà, c'est déjà un gros travail de recherche de pierres. D'accord. Parce que faut savoir les assembler, et après, c'est le côté créatif, imaginatif qui suit, en fait. Hein. Mm-hmm. C'est sur l'instinct. Mais donc, justement, comme vous dites, il faut savoir les empiler, les mettre les unes sur les autres. Donc, est-ce que ce n'est pas trop compliqué de trouver cet équilibre des pierres? Ah, bah, ça prend du temps, c'est de la patience. Comme je disais à certains passants de touristes à la cascade du Bouchot, ils me disaient, bah, vous avez bien de la patience. Je dis, bah ouais, mais il y en a, ils vont avec une canne à pêche, ils attendent le poisson, ils n'ont toujours pas. Moi, c'est un travail de recherche, et après, bah, petit à petit, on arrive à réaliser notre art. D'accord. Est-ce que nous pouvons pratiquer ce stone balance avec n'importe quelle pierre, ou est-ce qu'il y a des pierres plus propices à tenir en place, par exemple comme les galets ou autres? Galets, c'est beaucoup plus simple, c'est sûr, mais après c'est pareil, ça reste éphémère, un coup de vent ou une montée des eaux, ça sera basculable aussi. Donc après voilà, c'est vraiment créatif, et selon son caillou qu'on va trouver, on va le ressentir dans la tête, et de là on va essayer de voir si ça s'empile ou pas, si jamais on en prend un autre, etc. Mm-hmm. Jusqu'à arriver à former quelque chose, quoi. Justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé vous êtes en train de faire une construction et qu'il y a un coup de vent qui vient tout chambouler, complètement, ouais, c'est déjà arrivé plus d'une fois, ouais. Est-ce que c'est pas trop rageant? Non, c'est le plus rageant, c'est ceux qui font ça volontairement. Ah, ça arrive? Ah oui, ça arrive. Ah, ouais. Super. Surtout les Allemands, ils aiment bien ça, les enfants, quand ils viennent, les touristes là-bas, ouais. Ah oui. Bien, tch, tch, tch. Ah bah, c'est leur passion. Bon, après, chacun. Il en faut pour tout le monde. Ah oui, c'est sûr. Chacun ses passe-temps, on va dire. C'est ça. Et donc, justement, vous en avez un petit peu parlé, mais en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce aux différents articles de presse que vous m'avez envoyés en amont, j'ai eu l'occasion de lire que cette discipline, le stone balance ou le stone balance, ça dépend si on le prononce à l'anglaise ou à la française, vous procure un certain épanouissement. Exactement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cet épanouissement? On en revient sur l'énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure, et le côté méditation, c'est qu'on se retrouve zen, simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ah non, ça fait vraiment du bien, quoi. Il y a même des touristes qui passaient, et ils ont senti l'énergie que ça procurait. Ils disaient même, on peut rester des heures à contempler ce que vous faites, parce que c'est tellement magnifique et ça apaise l'endroit qu'on y resterait des heures et des jours. Mm-hmm. Mais par exemple, si quelqu'un vient vous voir, ou quelqu'un qui écoute cette émission, et qui se dit, oui, mais juste des pierres empilées, ça ne peut pas procurer du bonheur, du bien-être, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Essayez par vous-même. Mais il doit y avoir peut-être un mode d'emploi pour empiler les pierres. Oh non, parce que là, je vous mens pas, encore cette année, il y a eu pas mal de touristes. Mm-hmm. Et je vous garantis que beaucoup se sont adonnés, que ce soit de 8 ans à 90 ans, ils ont essayé de monter leurs pierres, et c'était vraiment un partage énorme. Cette année, ouais, c'était grandiose. Justement, cette discipline peut accueillir tous les âges, toutes les tranches d'âge. Exactement, oui. Donc ça vous est déjà arrivé de, on va dire, pas de donner des cours de stone balance, mais d'expliquer un petit peu, fais plus comme ça, ça va mieux tenir que comme ça, ou... Ça m'est déjà arrivé de conseiller, ouais, en voyant justement des touristes essayer de reproduire ce que j'étais en train de faire. D'accord. Voilà. C'est convivial comme discipline. Ah ouais, complètement. Ça permet une ouverture d'esprit, surtout avec les confinements qu'on a mangés, ce qui en suit. Enfin bref, je crois que la communication et la relation humaine est importante à retrouver. Mm-hmm. Et donc, du coup, il faut jouer, comme vous l'avez dit, avec l'équilibre, mais il faut aussi jouer avec certaines apesanteurs ou pesanteurs. Exactement. Pour faire tenir. Comment vous jouez avec cette apesanteur ou cette pesanteur? Comme je vous le disais, on le ressent en posant les cailloux, et on sent la gravité. C'est à l'intérieur de. Ah, ça se ressent. Ça se ressent. Vous sentez les vibrations, mais les vibrations, excusez-moi. Pas de souci. Et tout en montant, en empilant petit à petit, tout simplement. D'accord, donc cette vibration, enfin, c'est moins de vibrations, peut-être que ça vous indique qu'il faut peut-être faire autrement? Non, on peut tenter, hein, on peut tenter. Il y en a qui font même des arcs, hein. J'ai encore un ami dernièrement qui m'a montré comment en faire, parce que j'arrive pas. Il m'a bien expliqué qu'il fallait utiliser la force pour justement bien caler sur une roche, pour pouvoir essayer d'accomplir cet arc entre deux roches. Donc ça va être un exercice que je vais m'abonner à faire justement la saison prochaine à la cascade du Bouchot. D'accord. Donc vous faites ça tous les ans et toute l'année? Non, c'est que l'été, hein, parce que l'été, ouais. Aller dans l'eau quand il fait ces temps-là, l'hiver, c'est un peu tendu. Après, manque d'équipement, c'est sûr. Et c'est aussi là pourquoi là, j'essaye aussi de créer une association. D'accord. Donc ça, c'est pareil, pour pouvoir aller un peu plus loin. Et justement, d'ailleurs, vous me parliez, est-ce que vous pouvez faire des stages éventuellement ou des ateliers? Ça, c'est aussi c'est un but dans l'association, pour pouvoir transmettre mon savoir. Et puis, ceux qui sont passionnés par cette discipline, cet art, qu'ils puissent en profiter. Quoi. D'accord, parce que c'est très complet, c'est pas juste des constructions de pierre, c'est tout un ensemble de choses. C'est ça. D'accord. Et donc, en préparant cette émission, je suis allé faire un tour, parce que vous avez une page Facebook. Exactement. Qui s'appelle Stone Balance Haute-Vosges. Exactement, sur Facebook. Voilà, dans laquelle vous publiez certaines de vos constructions, ou pourquoi pas certaines créations d'autres personnes. Exact. Donc nous voyons que c'est un aspect quand même, quand même assez magique, que nous avons également l'impression que c'est un équilibre très fragile. Ah bah oui, ça tient à rien. Des fois ça tient à rien, ça peut rester 15 jours comme ça peut tomber au bout d'une heure. Donc, Est-ce que vous vous amusez des fois à retourner voir l'emplacement d'une ancienne construction pour voir si elle tient toujours? Tous les jours. Ah oui? Tous les jours je remonte. Ouais. D'accord, ça vous fait une petite promenade en même temps? Bah, une bonne promenade, et puis ça entretient un peu la santé. Hein. Ah oui, bah bien sûr. Complètement. La marche est le meilleur des sports. Et... oui? Non, vous m'avez fait rigoler. Ah d'accord. Et donc certains médias comme... les journaux locaux, par exemple, Vosges Matin, etc., vous appellent le maître des pierres. Oui, c'est pas les seuls. Hein. Les touristes, souvent, m'appellent le maître des pierres. Ou... voilà, donc, ouais, c'est une petite expression qui m'est restée là-bas. Donc, ils ont repris l'expression quand ils sont passés, justement, Vosges Matin. Ils cherchaient à voir le nombre de touristes éventuels qu'il y avait dans les hauts. Ils sont tombés sur moi comme ils m'ont dit, cet endroit magique. C'était vraiment insolite et ils en ont profité pour faire un article. Et je les remercie encore. D'accord, parce que j'imagine que c'est assez gratifiant de vous faire appeler le maître des pierres. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, il est quelle heure? Il est 14h13, voilà, moi je demande l'heure en direct, voilà, ici. On vous cache rien, à Radio Guimauzo. Donc avant de parler plus en détail de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une toute première fréquence musicale que vous avez choisi, et que nous écoutions le groupe IAM avec leur morceau intitulé Demain c'est loin. Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, cette chanson est plutôt typée hip-hop, rap. Elle est sortie en 1997, donc ça fait 25 ans, voilà, et elle est tirée de l'album L'école du micro d'argent du groupe, album sorti le mardi 18 mars 1997. Il s'agit du troisième album studio du groupe, donc on écoute ce morceau. Je ne sais pas si on va le laisser entièrement vu qu'il est quand même assez long, donc on écoute ce morceau, on se retrouve d'ici plus ou moins, on va dire, 9 minutes quand même. Donc à tout de suite sur Radio Guimauzo. Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit un plus, jamais je ne l'ai revu. Tant pis le diable pour sortir de la galère, t'as gagné ferme, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger en deux temps trois mouvements. On coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend tour de bras, on fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI ici, le rêve des jeunes c'est la Colt GTI, survêt Takini, tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface. Je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi, je suis plus malin, lui crève à la fin justifie les moyens, 4 à 5 ou malsain, on tient jusqu'à demain, après on verra bien, on marche dans l'ombre du malin, du soir au matin. Tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin, y'en a pas deux pour être un dieu, frappé comme une enclume, pas tomber les yeux, l'envie toujours entre une route, pour y entrer, deux pour s'en sortir, trois quarts cuir, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir, être si jeune, en avoir plein le répertoire, des guerriers de la carte qu'on efface comme un tableau du pao, c'est le noir, croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs, vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs, on y passe notre vie, on y finit, avant de connaître l'enfer, sur terre on construit son paradis. Fiction, des illusions trop fortes, sort le chichon. La réalité tape trop dur, besoin d'évasion. Évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison. Une aiguille passe, on passe à l'action. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs. Certains chanceux en ont dans la cervelle, d'autres se les envoient. Pour une poignée de bifton, guerre fraternelle. Les armes poussent comme la la mauvaise herbe. L'image du gangster se propage comme la gangrène. Sème ses graines, graines, graines, graines de délinquants. Qu'espériez-vous tout jeune? On leur apprend que rien ne fait un homme à part le franc. Du franc tireur discret au groupe organisé. La racine devient champ, trop grand, impossible à arrêter. Arrêter, poisseux au départ, chanceux à la sortie. On prend 3 mois le prix court, la réputation grandit. Les barreaux font plus peur, c'est la routine vulgaire et fine. Finesse, esquisse à l'encre de Chine. Figurine qui parfois s'anime, s'anime, animé d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait, on jette le thé, faut flamber, perdre et gagner. Rentrer avec quelques papiers, en plus ça aidera. Personne demandera d'où ils sont tombés. Tombés, ou pas pour tout, pour rien, on prend le risque. Pas grave cousin, de toute façon dans les deux cas on s'en sort bien. Vivre comme un chien ou un prince, y'a pas photo, on fait un choix. Fait crier le gigot, briller les joyaux, joyaux, un rêve, plein les poches. Mais la cible est trop loin, la flèche qui coche. Le diable rajoute une encoche trop moche. Les mecs cochent leur propre case, décochent pour du cash. J'entends les cloches à coups de pioche, creuser un trou, c'est trop fastoche. Fastoche, facile le blouson du bourgeois docile. Des mémés la hantise et porcelaine dans le pare-brise. Jacques rasoir sur le sac à main, par ici les talbins. Ça c'est toute la journée, lendemain après lendemain. Lendemain, c'est pas le problème. On vit au jour le jour, on n'a pas le temps. Où on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé. Au fur et à mesure, on avance en surveillant nos fesses pour parler au futur. Futur, le futur changera pas grand chose. Les générations prochaines seront pires que nous. Leur vie sera plus morose. Notre avenir, c'est la minute d'après. Le but anticipé, prévenir avant de se faire clouer. Clouer, clouer sur un banc, rien d'autre à faire. Voix de la bière. Siffle les gazières qui n'ont pas de fer. Les murs nous tiennent comme du papier, tu mouches. On est là, jamais on s'en sortira. Satan nous tient avec sa fourche, fourche enfourchée. Les risques, seconde après seconde, chaque occasion est une pierre de plus ajoutée à nos frondes contre leurs lacères. Certains désespèrent, beaucoup touchent terre. Les obstinés refusent le combat suicidaire. Sidère, sidéré, les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais côté de l'éternité. D'un pas fermé, décidé, préférant rôder. En bas, en haut, on va s'emmerder. Y'a qu'ici que les anges vendent à fumer, fumer. Encore une bouffée, le voile est tombé. La tête sur l'oreiller, la merde d'un instant estompée. Par la fenêtre, un coup fait son entrée. Un homme se fait braquer, un enfant se fait serrer. Pour une quartier menotté, menotté. Pieds et poings liés par la fatalité. Prisonnier du donjon, le destin est le geôlier. Le turf, la reine. On a grandi avec les jeux, gladiateur courageux. Mais la vie est coriace, on lutte comme on peut. Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés. Friction, excitation, patrouille de civils. Trouille inutile, légende. Des mythes débiles, hachis chokido, pour être armé de stylo, réserve de créativité, en garde stylo, safilo, bloc 20, pacte Anakin dans les mains. Oublié en tirant sur un gros joint, princesse d'Afrique, fille mère plastique, plein de colle, raclo à la masse lunatique, économie parallèle, l'équipe dure comme rock, petit don qui contrôle grave leur spot, on pète la veuve Clico, parqué comme à Mexico, horizon cimenté, pickpocket, toxico, personne honnête, ignoré, super flic Zorro, politicien et journaliste en visite aux zoos, musulmans respectueux, père de famille humble, basse qui blaste ma musique de la jungle, entrée dévastée, carcasse de tir éclaté, nuée de gosses qui viennent gratter, lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume, partie de foot improvisée sur le bitume, golf VR6, pneus qui crissent, silence brisé par les sirènes de la police, polo façonnable, survêtement minable, mère au trait de caractère admirable, chichon bidon, histoire de prison, stupide division, amas de 10 ans. Au cliché d'Orient, cuisine au piment, joli nom d'arbres pour des bâtiments dans ma forêt de ciment, désert du midi, soleil écrasant, vie la nuit, pendant le mois de Ramadan, pas de distraction, secret et un peu d'action, je te dédo contre Paris d'argent, méchant d'attraction, rire ininterrompu, arrestation impromptue, maire d'arrondissement corrompu, marcher sur les seringues âgées, rêver de voyager, autoradio en affaire, l'eau de chaîne arrachée, bougre sans retour, psychopathe sans pitié. Meilleur lien d'amitié qu'un type puisse trouver. Génie du sport faisant leur classe sur les terrains vagues. Nouvelle blague, terrible technique de drague. Individualité qui craque, parce que stressé, personne ne bouge. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. J'ai pris la décision de couper la musique pour qu'on ait encore plus de temps pour dire encore plus de choses. Vous êtes bien sûr toujours en direct, il est 14h20. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et, sur notre, et aussi sur notre site internet https www.radioguemozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter I Am avec le titre Demain c'est loin, et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Michael Riquelinck, qui est là pour nous parler de Stone Balance, de Slam et de tout ce qu'il fait. Ça va toujours? Ah oui, impeccable. Parfait. Donc j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, et nos auditrices auditeurs le savent. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier? Parce que ça me rappelle mes débuts d'écriture aussi. Donc c'est un groupe qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture, à pouvoir composer. C'est quelque chose de vachement réfléchi, c'est du rap conscient. Donc c'est ce qui me ressemble le plus. D'accord. Peut-être une certaine influence aussi de I Am dans vos morceaux, dans vos titres? Pas vraiment, mais Akhenaton, ouais, c'est un artiste que j'adore et que je respecte, et j'adore son écriture. Shuriken aussi, Freeman. Bien sûr. Ce sont trois grands rappeurs. C'est vrai. Akhenaton, Shuriken, etc. Donc, nous allons reprendre le cours de cette émission. Nous allons parler encore un petit peu de Stone Balance avant de nous intéresser au côté slammer. Donc, en tant qu'artiste, car le Stone Balance, on peut dire que c'est véritablement un art, on en a un petit peu parlé, mais avez-vous un lieu, voire des lieux favoris dans lesquels vous pouvez pratiquer cet art? Cascade du Bouchot, tout ce qui va être rivière. D'accord. Rivière, tout en remontant la Moselle, hein, tout simplement. Là, vous avez vraiment des terrains de jeu adéquats pour pouvoir vous entraîner. D'accord. Peut-être aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce coin, au niveau des gorges de Crozierie. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, je connais aussi. Ouais, j'ai déjà été, mais c'était beaucoup plus sec cette année, cet été. D'accord. Là, donc, eau stagnante, tout ça, c'est pas très bon. Donc, en cascade, ouais, c'est vraiment le plus bel endroit, mais c'est là où c'est qu'il y a le plus de magie. D'accord. Donc, pour faire le Stone Balance, il faut également que l'eau, la rivière, ait un certain aspect. C'est vrai. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus, parce que c'est un peu dangereux. Bien aussi. Sûr. Donc il faut faire vraiment aussi attention, parce que ça glisse aussi. Moi, j'y vais pieds nus. J'ai souvent un ami qui me dit « Ouais, tu devrais mettre des chaussures, t'aurais plus d'appui, plus d'équilibre. Tu ne serais pas embêté avec tes hernies discales actuelles. » Ouais. Il a pas tort, mais c'est vrai qu'on se sent mieux pieds nus, adéquates sur ses appuis. Donc, au contact de mère nature. C'est ça, exactement. Dans tous les éléments, ouais. Voilà. Et donc justement, nous parlons de mère nature, donc est-ce que vous compareriez le Stone Balance à un moyen de communiquer avec la nature? Complètement. Il y en a qui communiquent avec les arbres, moi je communique avec les pierres. D'accord. Dans quelles circonstances communiquer avec la nature? Comme je vous le disais tout à l'heure, moi ça me permet de vider mon négatif et de reprendre du positif. D'accord. Voilà, c'est vraiment une sorte d'exutoire. C'est ça, et côté méditatif, méditation absolue, quoi. Voilà, c'est ce qui vous plaît dans ce, ah, complètement, dans ce domaine. Complètement, ouais. Ok. Et donc, voilà, nous l'avons dit un petit peu plus tôt, je relis mes questions en même temps pour éviter de me répéter. Bien sûr. Nous l'avons dit un petit peu plus tôt dans cette émission, le Stone Balance, du coup, ou l'art de l'équilibre des pierres, possède un aspect très apaisant, mais j'imagine que c'est un art qui demande également beaucoup de concentration. Donc, est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'allier apaisement et concentration? Si, il faut de la patience aussi. Hein. Bien sûr. C'est aussi un élément important. Concentration, c'est sûr, parce que des fois, vous étiez là, pratiquement au bout, et puis d'un coup, il y a un insecte qui vient vous chatouiller. Ou alors, d'un coup, il y a plein d'enfants qui arrivent avec une famille dans le plein passage, où c'est que vous êtes en train de réaliser. Et d'un coup, ça vous perturbe et tout tombe. Donc, ah oui. Ah oui, c'est pas évident, des fois. C'est vrai, j'imagine. Et combien de temps ça vous prend, en moyenne, pour réaliser une construction? Ben là, j'avais pas de tumeur record là cette année, j'en ai réalisé à peu près 77. D'accord. Qui se sont tenus à peu près une quinzaine de jours, et en 15 jours de travail. D'accord. Donc c'est, et beaucoup revenaient à beaucoup de touristes, hein, qui étaient dans les coins de la cascade du Bouchot, se sont permis de revenir pour voir si c'était encore là, et voir si j'étais encore là aussi, pour justement encore un bon partage de convivialité et bien autour sûr. Du Stone Balance. Donc 15 jours de pour les 77 ou 15 jours par construction? Non, 15 jours les 77 en tout. D'accord, donc vous réalisez plusieurs par jour du coup? C'est ça, exactement, ouais. Ça peut aller de 10 à une trentaine par jour. D'accord. Après, on voit le lendemain ce qui est resté ou ce qu'on doit reconsolider, et ainsi de suite. Et puis après, on essaie de remonter un petit peu le plus loin possible pour pouvoir avoir une vue le plus lointain possible. Et voilà, il y a même un touriste du Nord, Monsieur Vasseur, hein, que je remercierai encore jamais assez, qui était aussi touriste, hein, il est du Nord, lui il est plutôt dans les montgolfières. Et il était stupéfait de tomber là-dessus aussi. Hein. Et donc, du coup, il m'avait promis de repasser avec un drone et pour filmer sur tous les sens de la gravité chaque pierre. Et vous pouvez retrouver justement cette vidéo sur le Stone Balance Haute Vosges, la page que vous avez indiquée tout à l'heure. D'accord. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a un schéma spécial pour faire tenir ces pierres ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Pas vraiment. Non, c'est... Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est selon l'instinct. Et petit à petit, on voit ce qu'on fait, quoi. D'accord. Et est-ce que, avant de faire une construction, vous avez une certaine routine ? C'est-à-dire ? Par exemple, est-ce que vous voyez déjà la création construite dans votre tête ou est-ce que vous allez vous promener sans réel but, si ce n'est laisser place au moment présent ? Non, non, je sais où c'est que je vais. D'accord. C'est prémédité complètement. Ok. Et donc, vous savez à peu près à quoi va ressembler la création ? Bah, c'est ça, ouais. Parce que c'est souvent au même endroit que je vais. Donc, souvent, les cailloux qui sont tombés durant l'automne, l'hiver et le printemps, on arrive quand même à les retrouver l'été au même endroit. Donc, on n'a plus qu'à les reprendre et généralement, et à les rempiler toutes les saisons estivales. D'accord. Et si jamais certaines de nos auditrices ou auditeurs se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas un certain côté répétitif ? Non, pas répétitif, parce que c'est une passion, donc on aime ce qu'on fait. Donc voilà. Je vois pas le côté répétition. Non. D'accord. Est-ce qu'il existe des championnats du monde de Stone Balance ? Exactement, oui, il y a des championnats d'Europe même. D'accord, vous avez déjà participé à... Non, j'aimerais bien justement. Le but aussi de l'association, hein, c'est pour financer aussi, pour pouvoir accéder à ces championnats un jour. D'accord. Donc, là c'est pareil, besoin de beaucoup d'aide pour créer cette association, parce que tout seul c'est pas évident. Bien sûr. Il faut trouver les personnes qui sont intéressées aussi par ce genre de loisirs. Aussi, qui puisse être un acteur de l'association. Exactement, exactement, et qui puisse amener un petit peu plus sa pierre à l'édifice. C'est le cas de le dire. Voilà, quelqu'un qui soit passionné par le même loisir. D'accord. Donc il est 14h27, avant du coup nous intéresser à votre côté slam. Je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale et que nous écoutions cette fois-ci le groupe NAP, ou NAP, acronyme de New African Poets, avec leur morceau Au revoir à jamais. J'espère que je me suis bien renseigné. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est plutôt typée hip-hop rap à nouveau. C'est vraiment votre domaine de musical, le hip-hop rap. Et elle est sortie en 1998 et elle est tirée de l'album La fin du monde de NAP. Et il s'agit du deuxième album du groupe, album sorti en novembre 1998. Donc on écoute ce morceau, donc Au revoir à jamais de NAP, et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 5 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. J'ai consenti, compris, fallait que je change toute ma vie. Il ne suffit pas d'avoir la bonne porte, il faut la bonne clé. Se remettre en question, se dire maintenant je dois changer. J'en ai assez de vivre comme ça depuis que t'es plus là. J'ai tout perdu, plus rien ne sera plus comme autrefois. Il faut pas oublier les siens et les nôtres qui disparaissent. Ce sont des signes clairs, l'existence c'est comme un test. Un examen de passage pour sagement t'es mis en avant. On n'agirait pas comme ça si on savait ce qui nous attend. On fait de la figuration inutile, stérile, dérision. Le mal est comme une femme qui fait l'amour à toute occasion. Un cri déchire la nuit, un sursaut, je me lève en sueur. J'arrive plus à dormir, souvent la mort me fait peur. Je vois des choses qu'on entend, j'écoute ce que l'on voit. Et me demande des fois comment j'en suis arrivé là. Tu peux lire dans la vie comme un livre ouvert, parce que les choses sont éphémères. Seulement il faut que l'on prenne conscience. On comprendra seulement quand le voile sera levé. Mais ce sera trop tard, on ne pourra plus rien changer. J'ai aimé trop de gens à qui j'ai dit au revoir. Je sais aussi que plus jamais je pourrai les revoir. Tu vas me manquer, au revoir à jamais. Tu vas me manquer, refrain, tu sais combien on t'aimait. La mort est le chemin, la voie obligatoire que l'on doit passer. Le sentier que Dieu a imposé à ses protégés. La mort de quelqu'un est dite pendant la nuit du destin. Et l'ange de la mort, l'envoyé vient le chercher au cours de l'année. La personne va décéder, c'est Dieu qui donne la vie et l'enlève. Il est le Seigneur, mais chaque être humain possède un cœur qui est sensible. Ça fait mal quand tu perds quelqu'un de cher. Une mère, un père, un frère, une sœur ou un ami. Quelqu'un que tu as vu tous les jours, tu es envahi par les souvenirs. La douleur est dure à vivre, les événements vécus sont gravés comme une pierre gravée. Et même les années ne pourront jamais les effacer. Sans l'être aimé, perdu, rien ne sera pareil. À nous de résister, prier pour leur salut, pour que ceux qui sont partis accèdent au paradis. Au plaisir, on est en deuil, ainsi qu'à Strasbourg ce rap est spécialement dédié aux disparus. Marc, Willy, Karim, Fouad, Missouri, venant du plus profond de mon cœur, au revoir à jamais. Tu peux lire dans la vie comme un livre ouvert, parce que les choses sont éphémères. Seulement il faut que l'on prenne conscience. On comprendra seulement quand le voile sera levé. Mais ce sera trop tard, on ne pourra plus rien changer. J'ai aimé trop de gens à qui j'ai dit au revoir. Je sais aussi que plus jamais je pourrai les revoir. Tu vas me manquer, au revoir à jamais. Tu vas me manquer, refrain, tu sais combien on t'aime. Faire des sacrifices, sanctifier son aide, donner son temps. Cela vaut bien plus que des milliers, millions d'argent, l'enseignement. Sortir du béton, changer de conception, une légion. Hommes et femmes à foison cherchent la raison, nos raisons funèbres qui viendra clore notre vie d'ignorance. Arrogance, matérialisme, le diable donne la cadence. On fume, on boit, on sort, on profite de notre jeunesse. Jusqu'à ce que l'on devienne vieux, que notre vigueur nous laisse. On regrette mais c'est fini, en quelques jours on rattrape pas une vie, quelle gaminerie. Quand tu penses que le vrai bonheur ne se trouve même pas ici. Je sais, tu sais, on sait. Mais il faut s'arrêter, modifier son être. La vie est comme un gosse qu'on élève. Savoir qu'on ne sait pas, le dialogue, le doute enlève. Purifier son âme, être en phase avec soi-même. L'existence dans sa globalité est un drame. Abdel Malik, la tragédie c'est ma femme. Tu peux lire dans la vie comme un livre ouvert, parce que les choses sont éphémères. Seulement il faut que l'on prenne conscience. On comprendra seulement quand le voile sera levé. Mais ce sera trop tard, on ne pourra plus rien changer. J'ai aimé trop de gens à qui j'ai dit au revoir. Je sais aussi que plus jamais je pourrai les revoir. Tu vas me manquer, au revoir à jamais. Tu vas me manquer, refrain, tu sais combien on t'aimait. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct. Il va être 14h33, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio. Et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France. Et peut-être même dans les pays frontaliers comme la Suisse, l'Allemagne ou encore la Belgique, pourquoi pas. Vous venez d'écouter Nap avec leur titre Au revoir à jamais. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Michael Riquelin qui est là pour nous parler de Stone Balance, de Slam et de tout ce qu'il fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Michael ? Très convivial. Parfait, donc c'est le principal. Même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi avoir choisi ce morceau ? Ce morceau, parce qu'il me rappelle une époque de ma vie où c'est que j'ai tout perdu, tout est parti en ruine. Ah oui ? On a perdu le boulot, on a perdu le papa, on a eu un gamin qu'on a vu qu'une heure et demie dans sa vie pour le moment. Et ah ouais. Donc il y a eu pas mal d'échecs et c'est pourquoi j'ai voulu se faire partager ce morceau qui m'a tenu à cœur et qui m'a entre guillemets consolé durant mon moment de solitude qui a duré un peu plus de 2 ans durant tous ces échecs qui sont accumulés sur mon sort tout simplement. D'accord. Une chanson qui vous touche. C'est ça. D'accord. Donc nous allons reprendre le cours de cette émission et comme annoncé avant cette fréquence musicale, intéressons-nous désormais à votre activité dans le monde du slam, du rap. Donc ce style musical popularisé entre autres par le célèbre slammeur Grand Corps Malade ou encore par Abdel Malik. Combien d'écouter à l'instant même. Tout à fait. Donc depuis combien de temps écrivez-vous du slam ? Depuis l'âge de 8 ans j'écris. D'accord. Après il y a eu une pause, parce que quand on grandit on était épanouis par d'autres choses, parce que je suis d'origine originaire de Belfort à la base. Mm-hmm. Donc entre la banlieue et se retrouver en 1996 à Remiremont, en plein milieu de la nature, des montagnes, c'est tout un monde différent. Et après j'étais épanoui plus dans le football. L'écriture j'étais mis de côté et après c'était les aléas de la vie qui m'ont fait reprendre justement cette écriture et qui m'ont permis justement de m'équilibrer, et pour moi ça a été une sorte de thérapie. D'accord. Thérapie pour pas partir en live, tout simplement. D'accord. De toute façon, à la fin de cette émission, à la place de mon générique, je passerai un de vos morceaux, donc émerger. Exactement. Pour que les auditrices et auditeurs puissent un peu découvrir votre univers. D'accord. Donc, J'allais vous demander, donc vous écrivez depuis l'âge de 8 ans, mm-hmm. et depuis combien de temps vous pratiquez ? Depuis les débuts 2000. Début 2000. Ouais, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. C'est ça, ouais. D'accord. Ok, un groupe qui m'a beaucoup aidé, c'est le Décalcrou, détonation explicite consciente authentique et libre. Groupe de Remiremont, qui avait aussi une émission radio ici dans vos locaux, je dirais début 2000 aussi. Et donc du coup, ils m'ont filé un bon coup de main sur l'écriture, bien saccader les mots, être dans les temps, et puis petit à petit après, l'artiste a pris son envol, tout simplement. Décalcrou, ça me parle plutôt bien. Est-ce que, du coup, parce que pendant les 40 ans, nous avons reçu, qui sont venus chanter en direct, les Infréquençables. Est-ce que ça fait... Oui, ça me parle un peu, oui. Voilà. Mais c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère plus hip-hop. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ensuite, j'allais vous poser la question, mais vous avez déjà un petit peu répondu. Est-ce que vous servez du slam comme d'un exutoire d'un journal intime ? Exactement, pour passer des messages et puis pouvoir sortir la tête du négatif et voir positif. Voilà, et la méditation, grâce au Stone Balance, ça aide beaucoup. Exactement, et ça permet d'écrire plus justement du positif que du négatif. D'accord, ok. Est-ce qu'il vous arrive d'animer des ateliers de slam ? Ça m'est arrivé, oui, quand j'étais animateur au Centre Social de la Vierge à Épinal en 2009, oui. D'accord. Ça m'est arrivé avec Abdelkader Boudjenan, le K, surnommé le K. À l'époque, oui, on avait fait pas mal d'ateliers, semaine de musique urbaine au Centre Social de la Vierge même, avec justement un stage de 15 jours. On avait fait écrire, composer musicalement aussi les jeunes, avec une mise en spectacle, une création de CD à leur portée. Même les parents étaient ravis, c'était grandiose. D'accord. Vous en animez encore aujourd'hui ou... Non, j'anime plus. J'ai déjà fait aussi des ateliers d'écriture avec l'UEV, l'Union des écrivains vosgiens, où j'étais le plus jeune écrivain vosgien à l'époque. D'accord. C'était Vincent de Combis, entre autres, qui m'avait fait pénétrer dans les rangs-là. Et du coup, oui, après ça, c'était arrêté. J'avais fait justement un concert... C'était pour les 40 ans de l'UEV à Fontenoy-le-Château, c'était en 2007 ou 2008, ouais, si mes souvenirs sont bons. D'accord, Vincent d'ailleurs qui est toujours animateur chez nous aujourd'hui, donc si jamais il nous écoute, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, on lui passe un petit bonjour. Un grand bonjour même. Voilà, un grand bonjour. Donc du coup, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que, on s'intéresse un petit peu plus aux ateliers que vous animiez, que chaque participant et chaque participante a apporté sa contribution. Donc de quelle manière ? Manière artistique, parce que c'est eux-mêmes qui écrivaient leurs textes. D'accord. Donc ça c'est vraiment très fort, parce qu'on leur donnait juste la technique et c'était eux qui racontaient vraiment leur histoire. D'accord. Donc c'est un atout. Ok, leur histoire, donc du coup, dans le style slam rap. Exactement. C'est vrai que ce sont deux styles musicaux qui se prêtent beaucoup à l'exutoire. Bah, c'est plutôt soit c'est poésie, soit après ça va être un peu plus rythmé. Donc, D'accord. Et en préparant du coup toujours cette émission, non, pas du tout, là j'ai reposé la même question, je suis un petit peu perdu dans ma trame. Donc pour écrire un texte de slam, est-ce que vous diriez qu'il est important de se fixer, on va dire, des barrières, ou au contraire qu'il est préférable de laisser parler son cœur et de le laisser voguer on ne sait où ? Je pense qu'il est important de le laisser s'exprimer. Donc je pense que quand la plume, des fois elle part, des fois on se demande, même si c'est nous-mêmes qui écrivons ou quelqu'un d'autre. D'accord. Des fois, je me relis, j'ai encore des textes que j'ai, parce que je garde tout, je les date. J'ai des textes qui datent de début 2000, et quand on retombe dessus, on se demande, mais comment j'ai écrit ça ? Et c'est des choses qui se passent actuellement, donc on se demande même si c'est pas prophétique, nos écrits, des fois. Ah oui, d'accord, à ce point, oui. Ok. Et donc, en tant que slammeur, car, comme on le dit, vous pratiquez le slam, vous avez d'ailleurs quelques albums à votre actif pour l'instant. C'est ça, oui. J'ai eu 2027, Ma Prophétie, c'était un expanding play que j'avais sorti à l'époque, quand j'étais animateur au Centre Social de la Vierge. Après, il y a eu quelques mixtapes, notamment Conscience Humaine, Bouche à Incendie, que des projets. Et puis après, il y a eu une mixtape collector de 30 titres qui était sortie, qui s'intitulait Entre Ciel et Terre. D'accord. Voilà. Et donc, en tant que slammeur, on va dire slammeur slash rappeur, vous ne n'est pas sous votre véritable nom, vous utilisez le nom de scène Myco Glycérine. Myco, pardon, ok, Myco Glycérine. C'était Smoka, justement, qui m'avait trouvé mon nom de scène, parce que avant j'avais Cicatrice 90, mais ça n'allait pas, alors on creusait, puis vu qu'il y avait déjà un Michael l'Abbaye, Mika, donc Myco, c'est resté Myco, puis après Glycérine, parce qu'il y a beaucoup de rimes qui glissent, tout simplement. D'accord. C'est devenu comme ça. Smoka d'ailleurs, qu'on connaît bien ici à Radio Gamozo. Et donc, dans vos textes, est-ce que vous avez certains sujets de prédilection ? La fin du monde. D'accord. Mmh. Ok. C'est quelque chose qui vous fait peur ou au contraire que... C'est quelque chose qui m'intrigue. Parce que je pense qu'on ne nous dit pas vraiment toute la vérité. Je pense aussi. Après, ici, on est censé... les animateurs et animatrices sont censés rester neutres, mais bon, je pense qu'on nous cache un certain nombre de choses également. Exact. Ensuite, avant, on va bientôt d'ailleurs se quitter, vu que vous avez un bus à prendre. J'ai encore quelques questions. Bien sûr. Vous précisez une chose importante. Vous dites, je cite, « Je ne me considère pas dans la revendication, mais davantage dans la réflexion, dans la prise de conscience. » Fin de citation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer cette façon de voir les choses ? Bah, voir les choses, c'est tout simplement bien ouvrir les yeux sur ce qui se passe actuellement. Hein. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment même, on se demande où on va. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment sur la réflexion, plutôt que d'être revendicatif. Je pense non plus, notamment quand j'étais gilet jaune hein, aussi, donc... Là aussi, on avait juste le droit de faire ce qu'on nous disait de faire, mais on n'avait pas le droit d'aller plus loin. Donc, c'est aussi, là aussi, la réflexion avant de revendiquer quoi que ce soit. Donc, on peut dire des choses, mais attention à ce qu'on dit aussi. Bien sûr. Donc, vous voulez faire amener l'auditrice ou l'auditeur, à travers vos morceaux, à réfléchir ? À réfléchir et à reprendre conscience en eux. Ouais. D'accord. La conscience humaine, surtout. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont perdues, malheureusement. Donc, c'est vrai. Donc du coup, est-ce que vous vous considériez comme un artiste à texte, un slammer à texte ? Plutôt, oui. Mmh. D'accord, c'est important pour vous cette dénomination de slammer à texte ? Bon, après, chacun écoute ce qu'il veut, donc... D'accord. Après, le mieux c'est de rester naturel et le plus possible, de toute façon, rester soi-même. Bien sûr. Donc, ma dernière question, après on va se quitter, promis. Avez-vous un artiste de référence, une source d'inspiration ? On en a parlé tout à l'heure, Akash, Akhenaton, voilà. Et aussi Abdal Malik, hein, que j'aime bien, qu'on écoutait d'ailleurs durant ces deux pauses musicales. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Donc, du coup, voilà, vous avez un bus à prendre, puis pour vous rendre voilà, où vous habitez. On ne va pas citer la ville parce que, bon, voilà. Donc, du coup, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre, comme je l'ai annoncé. Je ne vais pas mettre mon générique, je vais mettre votre morceau Émergé. D'accord. Je vais passer Émergé, donc de Maïko Glycérim. Juste avant, si vous voulez, je peux vous faire un petit texte pour voir un petit peu mon texte prophétique. Avec plaisir. Alors, c'est parti alors. Oh, mais quel honneur, non, quel honneur, on compte nos pleurs et fan des fleurs et tous en cœur de cette rumeur, je garde mon humeur. Son présent, les signes, la fin des temps, il n'y a plus longtemps, c'est qu'en chantant, qui est content, c'est trop coûtant que c'est dégoûtant. Comme cette presse qui compresse nous stresse, on reste dans l'angoisse, nous porte la poisse, mais quelle raison qu'il n'y ait plus de saison, trop de pollution, soustraction, tu n'es autre qu'une addition, eux, ils s'en foutent de perdre des pions. Que l'on forme tous un rond, que l'on aille vers l'affront, d'être sur terre ma punition, ou j'encaisse que de correction, j'annonce ma rébellion, les premiers seront les derniers dans un monde de haine, tu n'encaisses que des peines, tu ne gardes même pas saine ta veine. En direct de l'enfer, rouge et noir, plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. Des bords, des caniveaux, tout un mélange de sang. Des égouts sortent des flammes, ces âmes, ce feu qui ne partirait qu'en fumée. Même l'aviation dans l'incinération, des dégâts gros méga, onéga pour méga. On ne compte plus de casque, de mauvais espace, cela nous agace, hélas. Dans cette strophe des ruelles qui choque comme une catastrophe naturelle. Nous voilà dans un duel visuel et manuel. Y a pas besoin d'être intellectuel. La terre est sienne, réserve son mystère, alors chauffe le ciel. Voilà. Et on remarque que vous aimez bien jouer sur les mots dans vos textes, non ? C'est ça, glycérim, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ça glisse, c'est des sonorités, des connotations qui se ressemblent. Et ça, c'est un texte, vous voyez, que j'ai beaucoup travaillé depuis fin 90, début 2000. Et quand on relit bien ce texte en entier, que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, RYKY, espace MYKY, c'est le tonnerre gronde, l'intitulé de ce texte. Et on se rend bien compte que c'est des choses qui se passent actuellement. Voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission au début de semaine prochaine. Ah ben, c'est bien gentil à vous. Avec plaisir. Donc du coup, c'est ainsi du coup que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Mickaël, d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à vous. On pourra refaire une émission à l'avenir, pourquoi pas. Aucun problème. Donc cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook lundi, dans la journée, vu que demain, c'est férié. Et si vous voulez, je vous l'enverrai même par mail, comme ça, si vous voulez la récupérer. Ah ben, impeccable. La partager. C'est bien gentil. Avec plaisir. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Alors, en attendant, moi, je vais vous passer, donc, du coup, votre titre émergé. Et quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc, voilà. Voilà, je ne sais... Mon invité, je crois que je... Je n'ai pas sous les yeux le nom de l'invité, je le retrouverai. De toute façon, vous serez vite au courant sur notre page Facebook. Donc voilà, donc je vous passe Myco Glycérim avec son titre Émergé. Et du coup, je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi. C'est plutôt pour vous que je crains. Est-ce que vous êtes prêts? S'il venait maintenant, êtes-vous au point? Ça me rappelle ce bonhomme qui chez moi dégringolait du 10e étage. Oui, quel rapport? Comme il passait devant chaque étage, les gens pouvaient l'entendre répéter « Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. » Sortez les flûtes et le champagne pas trop frais. Quelques gazelles et l'option jacuzzi. Le mouvement radical est garanti. 8-8 égale SS. Sacrée soirée surprise, soldats sexy. Moutel, mots, excess and fashion. Sous les confettis. Qu'est-ce qu'on fait ici, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Si vous restez tous assis, tout ça s'ignorait. Dédicace, par où je serais passé. Collège ignoré, inversible, ignoré sans glaçons. Mille façons de vaincre. Le katana sortirait tout juste de son fourreau. Et tellement je promènerais mes mots. Nos tâtes transformerait elle en tête de micro. Les morceaux, eux, tomberaient pas à l'eau. Petit à petit, une île comme Robinson. Sous les cocotiers, à ça fait rêver. Alors émerger, à votre tour d'étudier. Mais tant plus qu'il soit invité. Passe par là, c'est mort faire un tour si j'aurais émergé. Si j'aurais émergé, émergé vient vous faire émerger. Nos écrits comme l'eau viendront vous submerger. Résultat chez nous, pas de naufragés que de passionnés. Vous ne savez pas si on est déguisé. Se croire à votre tour si vous serez affûté. Émergé vient vous faire émerger. Mais le ciel tombe pas sur ma tête. Matériel en tête, semaine l'enquête, tous enquêtent. Son âme, son esprit, j'exprime pas un crime. Si je déprime, je vois la prime, tous mes rimes. Sors la larme et sors une larme. Réclame la flamme, l'âme des âmes, c'est mes âmes. L'apparition, je compte pas raison. Mais tout cache la vérité, sérité. Et ne te voile pas la face. Prends l'impasse, fais-y ta place. Pas jouer sa vie ou face, ça trépasse. Ça reste perspicace, on y croit, l'on vaincra. Restez sage, va se tourner la page. Y'a trop de jeunes en cage qui succombent dans des clashs. Non pas des clashs d'escalier. C'est l'unique cas d'échiquier que j'aurais nommé matière. Mes pensées matières, m'attire, m'étire, m'appelle. Ça pousse dans cette air, sous des tremblements de terre. Elle pousse meurtrière, la terre tourne à l'envers d'elle-même. Mon frère, c'est officiel, officiel. Si émerger vient vous faire émerger. Nos écrits comme l'eau viendront vous submerger. Résultat chez nous, pas de naufragés que de passionnés. Vous ne savez pas si on est déguisé. Se croire à votre tour si vous serez affûté. Émerger vient vous faire émerger. Astigmataire vénère, astigmataire, réveillez-vous. Je suis le lion, pas un puma terrifié. Mais l'on m'a terrorisé. Mon album premier m'a terminé. Ma terre dans ma terre. Le maximum à tes rues, le minimum à tes règles. Pendant que tu guettes ma terminaison. Sans flamme maternelle. Avoir un fils du côté maternel. Tandis qu'elle m'a tergiversé. Et ma terreur, ma terrasse reste invisible. Je matérialise, ainsi que je m'atterre moi dans sa minable matérielle. Matière, matière, mes pensées m'attirent, mes tirs m'appellent, mes pelles. Matière, matière, sur des tremblements de terre, des secousses meurtrières. La terre tourne à l'envers d'elle-même, mon frère. Émerger vient vous faire émerger. Vos écrits comme l'eau viendront vous submerger. Résultat chez nous, pas de naufragés que de passionnés. Vous ne savez pas si on est déguisé. Se croire à votre tour si vous serez affûté. Émerger vient vous faire émerger. Émerger vient vous faire émerger. Nos écrits comme l'eau viendront nous submerger. Résultat chez nous, pas de naufragés que de passionnés. Vous ne savez pas si on est déguisé. Espoir à votre tour si vous serez affûté. Émerger vient vous faire émerger. Mouvement radical garanti. Émerger, émerger, émerger.